hypersensible, la fiction, aujourd'hui le voyage pour cyber ou l'emprise des jeux vidéo, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui pose une question actuelle et très sensible, celle de l'addiction aux jeux vidéo. 2,5 milliards de personnes y jouent dans le monde. S'il s'agit d'un loisir constructif, pour certains, une petite minorité en revanche va avoir tendance à se réfugier dans cet espace numérique et devenir totalement dépendante. Adultes, ados, enfants, l'addiction aux jeux vidéo peut concerner toutes les tranches d'âge. Si la moyenne des joueurs se situe autour de 30 ans, le danger d'addiction est plus fort et plus dangereux auprès des ados. Les difficultés commencent donc en classe de 4e et 3e auprès de garçons, essentiellement âgés de 13 à 15 ans. Ces adolescents qui plongent conjuguent souvent des difficultés psychiques, sociales et familiales, une perte de confiance en soi. Car ils pensent trouver une place au sein d'un groupe et fuir une réalité qui leur paraît menaçante. Alors, quels sont les symptômes? Comment reconnaître une véritable addiction? Comment la vaincre et aider ces jeunes, car beaucoup d'entre eux ne savent plus comment s'en sortir? Depuis le 18 juin 2018, l'addiction aux jeux vidéo est reconnue comme une maladie à part entière par l'OMS. Car l'emprise est terrible. Plus le jeune va jouer, plus il sera fort et il vivra avec une communauté virtuelle, un groupe où enfin il se sentira bien. Le jeu ne s'arrête jamais, c'est une sorte de paradis artificiel, comme la drogue. Comme dans la fiction que vous allez écouter, le personnage Maxence n'entend plus rien, ne voit plus rien, non. Il est fixé à son écran, enfermé dans sa chambre, inaccessible. Et ses parents, Eric et Laure, ne savent plus quoi faire et désespèrent. Pour comprendre, et pourquoi pas aider ces jeunes accros aux jeux vidéo, nous écouterons en deuxième partie les conseils et analyses d'Elisabeth Rosset, psychologue et spécialiste en addictologie. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le voyage pour cyber, ou l'emprise des jeux vidéo, de Jean-Pierre Tiercelin, une réalisation de Michel Sidorov. Maxence, s'il te plaît, tu veux bien m'ouvrir? Maxence, ouvre-moi. Ouvre, c'est maman. Maxence, tu es là? Mais oui, ton plateau repas n'est plus devant la porte. Tu as bien mangé? Tu as vu? Je t'ai préparé les pâtes comme tu les aimes, avec la sauce bien relevée. Et la mousse au chocolat? Elle t'a régalé? Tu vas pas me dire que tu n'aimes plus la mousse au chocolat, hein? Là, je te croirais pas. Je peux reprendre le plateau? Je peux entrer? Juste une seconde. Tu as fermé à clé? Mais tu sais, je veux pas te déranger. Juste m'assurer que tu vas bien. Mon chéri, dis-moi au moins que tu vas bien. Pour moi, c'est la seule chose qui compte, tu sais. Même si tu veux plus nous parler, même si tu veux plus nous voir, même si on comprend pas pourquoi. On t'a jamais empêché de jouer aux jeux vidéo. Au contraire. Quand tu étais petit, on jouait même avec toi. Enfin, surtout ton père. Tu te rappelles les premières parties de ping-pong? Et puis Super Mario? D'accord. C'était un peu désuet, mais on s'amusait bien. Quand t'as commencé les jeux en réseau, on t'a laissé faire. On voulait que tu te sentes libre. Tu travaillais bien. Tu avais tes copains. On t'a rien interdit. Peut-être qu'on aurait dû. Non, non, mon chéri. C'est pas ce que je voulais dire. Pardonne-moi. Maxence, réponds-moi. J'en peux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là par terre? Pourquoi te mettre dans des états pareils? Ça sert à rien. Je voulais juste essayer de lui parler, de communiquer. J'en peux plus. Allons, allez, viens. Regarde dans quel état tu te mets, tout ça pour rien. Moi aussi, j'en peux plus. Maxence, t'es qu'un petit con. Tu m'entends? Un petit con et un salaud. Un petit salaud. Tu veux faire crever ta mère, hein? C'est ça que tu veux? Eric, arrête. Je t'en supplie. Allez, viens. Ça non plus, ça sert à rien. We have now taken the objective, Baker. Ah. Bam! Un kill! Super! Celui-là, il m'a bien baladé, mais j'ai fini par l'avoir. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là, me guetter du haut de la tour? Ils vont pas me lâcher? Ils m'en rappellent deux autres. Mais eux, ils sont pas planqués derrière un cactus au Nouveau-Mexique. Ils sont là, derrière la porte de ma chambre. Ça craint. Ouais! Deux kills, super. Là, je kiffe un max. Cette fois, ils ont dégagé pour de bon. Si seulement je pouvais faire pareil avec les deux zombies qui se planquent derrière ma porte. Mais ils sont plus devant moi. Je les ai chassés dans une version incompatible. On n'a plus rien à se dire. Ils comprennent rien. Ils me supplient de revenir avec eux dans la vraie vie, comme ils disent. Belle petite vie douillette dans le beau petit pavillon. Mais ils ont rien compris. La vraie vie, c'est la mienne, celle que je me suis choisie. Une vie augmentée où tout est possible. Où on peut vivre à la hauteur de son rêve. Leur vie, c'est juste un cauchemar. Tiens, prends ça, toi. Tu m'espionnais? Maintenant, t'es mort. Complètement dead. Tu peux retourner chez les ectoplasmes du quotidien. Allez, va t'offrir un aller-retour en RER avec mon père. Profites-en pour voir comment il se fait bien harceler par son DRH et humilié par son patron. Mais t'inquiète, il dira rien, il s'écrase. Il est même capable de le remercier avant de partir. BOUM! Et toi, dégage! On me la fait pas! Va faire une croisière en caddie avec ma mère à Parly 2. C'est sa grande sortie. Surtout depuis qu'elle est en arrêt maladie. Sa dépression, c'est sa raison de vivre. Et Médoc, ça l'a fait planer. Et après ça, ils voudraient me faire croire que c'est moi qui suis dans le virtuel. Ils sont complètement nazes. Allez, disparaissez, vous êtes out dead de chez dead. Comme tous ceux qui m'ont fait chier. Les profs, qui comprennent rien, mais qui veulent quand même te faire rentrer dans le moule. Mais aussi les potes, les copines, radiés. Tous autant qu'ils sont. Ils ont trahi nos rêves. Ils s'en rendent pas compte, mais ils ont déjà les deux pieds coulés dans le béton. Moi, j'ai plus envie d'être tout le temps évalué et jugé. Moi, je pars, je décolle, je vole. Je vole vers des mondes nouveaux. Vers de nouvelles conquêtes. C'est alors, Kylian. Si je m'attendais. Laisse-moi te regarder. Je suis drôlement heureuse de te voir, tu sais. Et moi non. Dis donc, ça fait un bail. Bah oui, depuis que... Oui, c'est ça. Depuis que... Bon, on va pas tourner autour du pot. Depuis que Maxence n'est plus sorti de sa chambre, autant dire près d'un an. Voilà, c'est dit. Les derniers mois, on se voyait presque plus. Tu as été le dernier à venir à la maison. Tu étais le seul à pouvoir pénétrer dans sa chambre. Oui, jusqu'au jour où il m'a dit de ne plus revenir. Tu veux pas t'asseoir 5 minutes? On allait prendre notre petit café. C'est notre petit rituel quand on fait les courses. Ouais, un café, je veux bien. J'étais venu acheter des cartouches d'encre, mais j'ai un peu de temps. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. 3 cafés, s'il vous plaît. 3 espresso, ça marche. Tu m'as l'air en forme. Tu vas bien? T'en es où? Ben, c'est le bac à la fin de l'année. Ben, c'est bien. Au moins, tu as passé ton bac. Et après? On verra. Peut-être master d'agriculture et environnement. Toujours les eaux et forêts. La nature, l'écologie. Tu te rappelles quand vous avez fait le stage en fauconnerie? Je ne jurais plus que par les faucons. Ah, et Maxence aussi. À l'époque, on jouait à The Legend of Zelda. Pour retrouver la princesse, en plus de l'épée, de l'arc et des flèches, il avait choisi le faucon. Comme ça, il a réussi à déjouer tous les ennemis. Et toi ? Moi, je créais la musique au fur et à mesure de nos aventures. Une véritable quête. J'avais l'impression de savoir jouer de la lyre, de la trompette et de l'ocarina. C'était génial. Ouais, mais toi, t'es revenu sur Terre. Tu te passionnes pour la nature, pour la planète. T'es pas resté enfermé comme un prisonnier dans les jeux vidéo. T'as laissé tomber tout ça. Non. Comment ça ? Les jeux vidéo, ça me passionne toujours. Je commence même à essayer d'en concevoir. En rapport avec la nature, justement. J'envisage de créer des jeux, moi aussi. C'est d'une richesse incroyable, vous savez. Enfin... Tu sais ce qui arrive à Maxence ? Tu sais ce qu'on vit ? C'est terrible. Il a renoncé à toute vie sociale. Il s'est coupé du monde. Nous, nous ne savons plus quoi faire. T'as entendu parler des hikikomori au Japon ? Ils font plus rien. Certains n'ont pas bougé de leur chambre depuis 10 ans. Il y en a même qui se sont laissés mourir. Mais j'ai peur, Kylian. Nous sommes totalement impuissants. Calme-toi, ma chérie. Laisse parler, Kylian. Et voilà les 3 petits cafés. Merci. 2. Et... Merci. 3. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Pardonne-nous, hein. C'est de plus en plus difficile pour nous, tu sais. On a tout essayé. Même le psychologue a baissé les bras. Mais je comprends. Je voulais pas vous blesser. Mais vous savez, les jeux vidéo, c'est aussi un art. Un art qui intéresse de plus en plus de créateurs. Aujourd'hui, il y a des concepteurs de jeux vidéo qui valent bien des réalisateurs cinéma. Ça passionne beaucoup de gens, et pas uniquement les jeunes. C'est comme une libération. Parce que le joueur est à la fois acteur et créateur. Il s'approprie un monde et il peut en devenir le scénariste. Mmh. C'est ta manière de voir les choses. Hein. On sait quand même quoi y retourne. Quand vous étiez enfant, on trouvait ça sympa. Mmh. On a laissé faire. Et c'est sûr qu'on aurait dû mettre le holà beaucoup plus tôt. Pardon, mais je pense que c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle prenait pas mal, hein. Mais vous auriez peut-être dû continuer à suivre l'évolution des jeux auxquels on jouait. Pas pour les interdire, mais pour les comprendre. Autrement dit, on n'a rien compris, c'est ça ? Pas du tout ! Et vous savez, j'oublierai jamais vos saladiers de mousse au chocolat les week-ends où on venait jouer en réseau. On disait que ça nous donnait une énergie d'enfer. Vous étiez des super parents. Maxence était heureux avec ses potes et ses jeux. Pour vous, c'était l'essentiel. Et nous, on était heureux de se retrouver. Chacun avait son avatar, prêt pour de nouveaux voyages, de nouveaux combats. Tout était possible. J'ai quand même commencé à m'inquiéter quand les week-ends ont fini par durer 3 jours et 3 nuits sans dormir. Ouais, on avait trop peur que le jeu continue sans nous. On voulait pas le lâcher. Mais ça n'a duré qu'un temps. Pour toi et les autres peut-être, pas pour Maxence. Faut pas se mentir. On a toujours tendance à vivre le nez plongé dans nos smartphones, dans nos tablettes. C'est là qu'elle est l'addiction. Avant d'être une addiction aux jeux vidéo, c'est une addiction au numérique. Tout se dématérialise. Vous aussi, vous devenez addict sans vous en rendre compte. Ah bon ? Et vous les déclarez comment, vos impôts ? On fait notre déclaration en ligne. Où tu veux en venir ? Eh ben voilà. Maxence, il fait comme ses parents. Mais lui, il déclare pas ses impôts. Il préfère s'envoler. Il prend les nouvelles technologies comme d'autres prennent le TGV et il se projette vers de nouveaux espaces, vers la liberté qu'il s'est choisie. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, il a décidé de prendre un billet sans retour. Mais je ne pense pas que la faute en revienne uniquement aux jeux vidéo. C'est juste un moyen de fuir un monde dans lequel il ne se sent pas bien ou pas à sa place. C'est de notre faute, alors ? On n'a rien vu ? Mais non, arrêtez de culpabiliser. Vous vous torturez inutilement. Vous avez fait au mieux, comme tous les parents. Mais vous n'êtes pas dans sa tête. Et puis les ados, on est souvent mal dans notre peau. Maxence, lui, il a toujours aimé les histoires. Il nous faisait des récits d'aventures incroyables, mais les autres, il le traitait d'affabulateur. Il avait de très bonnes notes en français. Oui, mais en seconde, le prof a commencé à lui dire que ses dissertes étaient toujours hors sujet. Et au moment de l'orientation, quand Maxence a dit qu'il voulait être créateur de BD, on lui a répondu que c'était pas un métier. Et pas que ça, hein. Mais ça a dû jouer. Tu voudrais pas reprendre contact avec lui ? Je suis pas sûre qu'il veuille, mais... On peut essayer. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si vous pouviez renouer le lien, nous nous sommes exclus de son univers. Et je pense que c'est lui qui ne veut plus du nôtre. Ça revenait souvent dans nos conversations. Il le trouve injuste et sans espoir. S'il était là avec nous aujourd'hui, dans ce café du centre commercial, qu'est-ce qu'il dirait, Maxence ? Je sais pas. Il dirait sûrement rien du tout. Mais il s'évaderait par la pensée. Et là, peut-être qu'il vous transformerait en Jack et Neytiri, les héros d'Avatar. Et moi en oiseau de feu. Le garçon de café reprendrait l'apparence de Merlin l'Enchanteur. Et le percolateur se transformerait en source d'eau chaude bouillonnante. Alors, la vapeur envahirait le centre commercial, métamorphosée en jungle tropicale. Les clients redevenus bonobos auraient lâché leur caddie pour se sauter dessus les uns les autres dans un grand rugissement d'amour. Maxence s'emparerait de ma petite cuillère à café transfigurée en épée magique. Alors, il brandirait son glaive pour pulvériser la verrerie du centre commercial, dont les éclats retomberaient en pluie d'étoiles filantes. Et, juché sur le dos de l'oiseau de feu, il jaillirait vers le ciel dans un éclair fulgurant. Oh non. Kylian, c'est toi? Ouais, c'est moi. Et toi, ça va? Je sais pas, il y a longtemps que j'ai pas répondu à cette question. J'étais pas sûr de vouloir te parler. Tu vois, j'ai un peu de mal. Manque d'habitude. Mais je suis content d'entendre ta voix. Moi aussi, je suis content. Au-delà du temps, je reconnais ta voix. Oh, guerrier de la lumière. Et pourtant, malgré mes triomphes, soyons lucides, je ne serai jamais que le roi des geeks. Je crois entendre un rire venu de très loin. Oui, ça fait drôle. Comme si j'avais oublié qu'on pouvait rire. Tu es peut-être arrivé au bon moment. Mais t'as bien fait de me joindre par Messenger, sinon j'aurais jamais répondu. Déjà que ça sentait un peu l'arnaque. Mais je t'en veux pas. On a échangé par message. À petite dose, t'as résisté. Oui. Mais ça nous a permis de voir où on en était, l'un comme l'autre. Et aujourd'hui, on se parle pour de vrai. Waouh. N'oublie pas que je n'ai pas parlé depuis longtemps. À personne. À personne. Les derniers temps, les seules conversations que j'avais, c'était en ligne. J'étais trop mal. Et puis après, j'ai tout arrêté. Mais je sais. T'étais injoignable, même sur Facebook. Facebook et tout le reste. Et pourtant, on était tous complètement accros. Mais à quoi bon fuir la bêtise du monde si c'est pour la retrouver décuplée sur des réseaux sociaux où chacun étale son ego à grands coups de selfie? Ce qu'ils appellent la réalité, c'est le vide. C'est pour ça qu'on a plongé comme des malades dans les jeux vidéo, non? Ouais, pour nous immerger enfin dans un monde qui nous convenait. Mais tu sais, je continue à me passionner pour les jeux vidéo. Mais j'ai pas sauté le pas comme toi. Tu nous en as voulu? Vous avez préféré faire vos devoirs, apprendre vos leçons. Comme de bons petits soldats. Je vous ai tous haïs, mais toi d'abord, t'étais mon meilleur pote et je pensais que tu me suivrais. Et Manon aussi, je l'ai détestée. Elle va bien, Manon? Elle a l'air, du moins en apparence. Ça a été dur pour elle. Elle m'avait dit, tu aimes les jeux vidéo plus que moi. Ça m'avait mis en rage. Elle avait pas un peu raison. Alors toi non plus, t'as pas compris? Manon, je voulais pas la perdre. C'est pas vrai que j'aimais les jeux plus qu'elle. Je voulais juste qu'elle vienne avec moi. Qu'on parte ensemble vers une nouvelle vie, pas un petit quotidien merdique. Je voulais me dépasser, pour elle, avec elle. Tu m'entends? Avec elle. Je voulais vivre avec elle une expérience totale dans un monde ouvert. Tu comprends ça? Un monde enfin ouvert. Bien sûr que je comprends. Mais tu sais, elle assise devant son ordi, dans sa petite chambre chez ses parents, et toi chez les tiens. Ça manquait peut-être un peu de consistance, non? Mais tout ça, c'était provisoire. L'essentiel, c'était de fusionner par l'esprit, par le mental, par les sentiments. À partir de là, tout était possible. On aurait bien fini par se retrouver dans ce qu'ils appellent la réalité. De toute façon, la réalité, sans nous, elle n'existe pas. Elle est ce qu'on en fait. Et comme chacun a la sienne, on est bien avancé. Et puis, l'immersion dans le virtuel, elle est jamais totale. On garde toujours une part de conscience, même infime. Comme au cinéma. même complètement embarqué par l'histoire, il y a toujours une fraction de seconde où la conscience nous rappelle qu'on est dans une salle, le cul calé dans un fauteuil. Idem pour le jeu vidéo. Mais je veux croire encore que l'hyper-réalité n'est pas une illusion. Et puis qu'est-ce que ça peut bien faire si elle me permet de vivre ? Ça a été dur. Oui. Pendant très longtemps, j'ai été incapable de bouger. J'avais fermé toutes les écoutilles. Plus personne n'existait. À commencer par mes parents, je les entendais même plus. Comme si toutes les fonctions vitales s'étaient évanouies. J'avais l'impression que mon corps ne pouvait plus bouger, qu'il pesait des tonnes. Sauf quand je partais vers les autres mondes, que j'étais un autre, et que je rencontrais des êtres extraordinaires qui sans doute étaient des autres dans mon genre. J'ai vécu des moments magiques. Maintenant, je commence à en ressentir les limites. Mais je me sens tout à fait incapable de les arrêter. Tu sais, j'avais d'abord pensé reprendre contact avec toi à l'intérieur d'un jeu. Nous retrouver sous d'autres identités. T'as bien fait de pas le faire, ça n'aurait pas été très honnête. Par contre, maintenant, mais pas dans la vie. La vie, c'est trop tôt pour moi. Et dans un jeu ? Oui, dans un jeu. Un jeu de rôle en ligne vaudra toujours mieux que le rôle que la société veut nous faire jouer. On pourrait refaire un bout de chemin ensemble. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis juste que c'est une bonne idée. Et Manon ? Tu crois que... Je crois que je peux déjà lui poser la question. Tu voudras choisir le jeu ? Si elle est d'accord, on pourra peut-être demander à Manon. Ce sera la surprise. Et je suis sûre que tu n'auras aucun mal à nous retrouver. La porte de l'escalier est fermée. Impossible de monter à la tour. Il ne me reste plus qu'à monter en chair. Vite ! Hop, la rambarde. Rétablissement sur le petit toit. J'attrape la grande bannière le long du pilier et je me hisse. C'est moins facile qu'une corde. Pourvu que la toile tienne. Il faut qu'elle tienne. Je suis presque à la galerie supérieure. Oh, trop tard, I am dead. Prends ma main. C'est bon, je te tiens. Avec ton pied, prends appui sur le chapiteau. Voilà. Et voilà, tu l'as échappé belle. Alors, Quasimodo, de retour à Notre-Dame ? Il me semble reconnaître cette voix. Comment m'as-tu trouvé ? Si ton cœur m'a reconnu, il ne ment pas. J'ai traversé tous les jeux et toutes les époques, mais j'étais sûre de te retrouver. J'ai réussi ! Aujourd'hui, je suis Gringoire, simple poète pour te servir. Et celle que tu cherches est là-haut. D'ici, en grimpant sur les arcatures, tu devrais pouvoir rejoindre la tour du Bourbon. Allez, viens, il n'y a pas de temps à perdre. Mais tu es un ennemi. Je sais que tu es de la confrérie des Templiers. Je devais te tuer ou tu devais me tuer. Tu changes les règles du jeu, tu triches. Nous ne sommes plus ennemis. Les Templiers ont rejoint le combat de la confrérie des Pourpoints Jaunes, qui ont pris la défense de nos frères de Bohême, d'Égypte et d'Arabie, qui avaient trouvé refuge à Paris avant qu'une ordonnance royale n'en décide autrement. Les Pourpoints Jaunes ? Le jaune est la couleur des fous, tu le sais. Le roi de la cour des miracles a profité de la fête des fous pour lancer tous les mendiants de Paris à l'assaut de la cathédrale pour délivrer Esmeralda. Ils portent tous un pourpoint jaune. Esmeralda ? Je vais enfin la revoir et la délivrer. Oui, mais pour le moment, la cathédrale est cernée par la compagnie royale de sécurité. Autrement dit, les archers du roi. Les mendiants n'ont pas réussi à passer. Allons vite la rejoindre. Nous déciderons là-haut. Le plus simple est d'escalader la rosace, j'ai l'habitude. Comme ça, nous déboucherons directement sur la galerie extérieure entre les deux tours par un petit passage que je connais. Ça ira pour toi ? J'avais toujours rêvé de voir les vitraux de près. Si la Vierge à l'enfant est aussi belle qu'on le dit, j'en ferai un poème. Alors ne perdons plus de temps. Wow. Nous y voilà. C'était rude, mais ça en valait la peine. Tu entends ? Les hurlements ont décuplé. Toute cette fumée. Qu'est-ce qui se passe ? Le peuple de la cour des miracles a réussi à percer les lignes des archers. Esmeralda, tu es là ? Saine et sauve. Oui, je sais pas pour combien de temps, mais je suis là. Je suis très heureuse de te revoir. Mais c'est... C'est vraiment toi ? Homme de peu de foi. Bien sûr que c'est elle. Mais ce n'est pas le moment de quitter le jeu. Regarde en bas. Nos amis ont commencé à escalader la cathédrale, rejoints par tous mes frères bohémiens. Du coup, les archers ont réanimé les feux allumés sur le parvis. Et ils ont commencé à tirer des flèches enflammées. Avec leurs pourpoints jaunes, les nôtres font des cibles idéales. C'est atroce. Attention ! Oh, elle n'est pas passée loin. Ils sont déchaînés. Ils ont des ordres. Vous ne pouvez pas rester là. Moi, je voudrais rester là avec toi. Au cœur du danger. Au cœur de l'histoire. Rester près de toi. Me blottir contre toi. Si tu ne me trouves pas trop laid. Ce que je vois n'est qu'une apparence. Je connais celui qui se cache à l'intérieur. Je suis prête à le retrouver. À tenter le voyage avec lui. Si toutefois il est prêt à... À quoi ? À renoncer à un peu d'enfance. Juste un peu. Écoute, quand tu étais petit, tu adorais les histoires qu'on te racontait le soir. Comme moi. Comme moi ? Tu y plongeais avec délice. Sans t'en rendre compte, tu suspendais la réalité. Et après la belle histoire, tu revenais à la vie. Du coup, l'histoire du lendemain était encore meilleure. Disons que c'est un peu ce que je te propose. Pour l'instant, c'est l'histoire qui nous rattrape. Il faut vous échapper et chercher du renfort à la cour des miracles pour arrêter ce massacre. Mais comment ? Nous sommes pris au piège. Laissez-moi faire. Quasimodo, tu vois la gargouille, là ? Celle qui a des ailes ? Je la connais bien. C'est un ange de pierre. Très bien. Pose tes mains sur son cou. Ouais, ouais, comme ça. Et toi, Esmeralda, accroche-toi bien à Quasimodo. Voilà, je le lâche plus. Je sens la pierre qui se réchauffe. Je sens son sang qui circule. Ses ailes commencent à bouger. C'est bon. Envolez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et toi ? Moi, je vais tenter d'aller au bout de l'histoire. Il faut bien que les poètes servent à quelque chose. Sauvé ! Mais ils sont complètement fous. Les flèches passent par les abat-jour. Elles vont mettre le feu autour. Quelle fumée ! Ils vont nous enfumer ! Mais ça brûle ! Ça brûle ! Au feu ! Au feu ! Au secours ! Il y a le feu à la cathédrale ! Kylian, mais t'es malade de m'appeler maintenant, on volait au-dessus de la cathédrale en feu, c'était incroyable. Mais justement, Maxence, la cathédrale brûle, elle est en feu. Bah oui, je sais, c'est pour ça que tu m'appelles. Maxence, tu m'entends ? Manon ? Tu es avec Kylian ? Ouais, t'inquiète pas, écoute-moi, on est devant mon ordi. On a décidé de jouer ensemble pour doubler nos chances de te retrouver. Et tu vois, ça a réussi, même au-delà de nos espérances. Alors qu'on était tous les trois tout en haut de la cathédrale, mes parents, en panique, sont entrés dans la chambre pour nous dire que Notre-Dame brûlait pour de vrai. Ils sont scotchés devant la télé. Toute la toiture est embrasée. La flèche vient de tomber. Maxence, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ça alors, j'en reviens pas. On a mis le feu à Notre-Dame de Paris, trop fort. Non, Maxence, c'est pas nous qui avons mis le feu. Nous, c'est juste un jeu. Maxence, t'es là ? Maxence, c'est juste le hasard, tu comprends ? Un drôle de hasard, c'est sûr, mais un hasard quand même. T'es là ? Oui, je suis là. Juste le temps de me remettre. Il va me falloir un peu de temps. Et toutes les chaînes d'information sont en alerte. Tout le monde parle et personne ne sait quoi dire. Sauf le président de la République. Il a déjà dit qu'il allait la reconstruire en 5 ans. La cathédrale ? Mais c'est complètement nul ! Bah ouais, tout le monde sait bien que c'est pas possible, c'est trop court. Bah non, c'est trop long, beaucoup trop long. T'es sûr que ça va, Maxence ? Oui, ça va. T'es là, Kylian ? Ouais. Tu sais, si tu veux toujours développer des jeux vidéo, je suis ton homme. Ouais, c'est génial ! Parce que je suis content. À quoi tu penses ? T'as une idée derrière la tête ? Je pense à un jeu vidéo autour de Notre-Dame de Paris. Mais Notre-Dame aujourd'hui et avec des personnages d'aujourd'hui. Tu me suis ? Un peu que je te suis. Et pour ça, on va commencer par la restaurer, Notre-Dame. Mais en virtuel. Et je peux te dire que nous, on mettra pas 5 ans. Bravo, Maxence. Parce que je suis heureuse. Et moi, Manon, je t'attends pour que tu viennes me raconter une histoire. À moins que tu commences tout de suite. Je veux bien. Il était une fois... C'était Le Voyage pour Cyber ou L'Emprise des Jeux Vidéo de Jean-Pierre Tiercelin avec Arthur Guillot, Maxence, Amandine Noam, Laure, Slimane Yefsa, Eric, Rémi Goutalier, Kylian, Salomé Dienis-Melien, Manon. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Victoria Asper. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov. Je me sens proche des gens spéciaux qu'on décide d'interner. Y'a plusieurs points de vue, tu le saurais si t'alternais. Je me méfie de la presse rachetée par des financiers autant que je me méfie des sources des sites internet. Le système te charme, t'es dans le traquenard, ses courbes sont tactiques. La balle à bas casse les couilles, tous mes bras cassés courts. Donc je m'active et je fais des cauchemars où l'oncle Sam braque un six coups sur ma clique. L'ongle sale sur la crosse, la douleur sera pas psychosomatique. Bientôt la fin du jeu, j'ai sauvegarde. Personne ne peut me juger, sauvegarde. Dans ma chambre avec mes gros, on se tape des barres. Ambiance, jeux vidéo et débat. Jeux vidéo et débat. Jeux vidéo et débat. Jeux vidéo et débat. Jeux vidéo et débat. On va te traiter comme ma street. J'ai tellement galéré, parfois j'ai vraiment l'impression que je viens de la street. Mon cerveau dévie, j'ai fait mes classes avec des youves. Comme on rentre pas dans les cases, on s'invente des vies. Je suis couché depuis l'aube, j'observe la rive depuis l'autre. Ça se prend pour des pilotes, mortel sera l'épilogue. Rappelle-toi, ils voulaient même pas me donner l'heure. Maintenant je fais des sapes pour pas porter les leurs. Y'a un âge où t'as pas envie d'entendre ça. Mais y'a un âge où tu sens que t'as pas besoin d'autant de sapes. Viens dans ma tête, y'a des châteaux plantés dans le sable. Des tigres avec des dents de lait, des chattes avec des dents de sable. Tu sais, ça dérange personne que qu'il y ait autant de pubs de marques de fils de pute qui soient genre des catastrophes. Et pour l'écologie, et pour la condition féminine, et pour le respect parfois et la dignité des gens qu'ils emploient, des conditions de travail de certaines personnes, etc. Tu vois. T'as beau te faire un nom à force, les fleurs se faneront. J'ai la même vision de la France que Franz Fanon. J'étais devenu un corbeau, mais je renais en colombe. Ouais, on est en colère, trop de néo. La balle retombera même si tu tires en l'air. Tu peux pas vesquiller les problèmes quand ils reviennent en tyrolienne. J'en montre jamais que je suis touché, les blessés attirent les hyènes. Autour de moi que des lions, je me force à le dire aux miennes. Je suis tiraillé entre partir ailleurs ou mentir aux rails. La vantardise attire le rein, je baisse la voix, tu tires l'oreille. T'es chelou, le faux c'est celui qui parlera. Ils n'ont rien vendu à part leur cul. Ils n'ont rien trafiqué à part leur voix. Tu crois encore que tu seras sauvé par le rap? Je sais pas, ils sont sous quoi, mais les stupes sont speed. J'entends mon rôle me dire, t'es ma comment, ils sucent ton style. Lui, t'inquiète même pas, le flow c'est juste un ustensile. Ils pourront jamais pomper la réflexion, la substance vive. Encore un rigolo que j'entends rapper, yeah yo. Eh hey, gros, on reblaguera quand on aura payé. Tout le monde a peur pour l'avenir, même moi, mat. Ils ont les mains moites quand il faut faire moite. T'as compris la technique, mais dis-moi ce que tu ressens. Quand tu rappes, j'ai l'impression que tu me récites une leçon. Je les entends brailler, donc j'ai soigné l'acoustique. Pas pour crailler des langoustines, mais pour allier la langoustine. C'est très corrosif. Après, c'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est violent, wesh. Hey. Tu penses qu'à l'apparence aux nouvelles collabs, t'es bon qu'à retourner ta veste neuve. Et quand y'a embrouille, on dira rien comme d'hab. Mais chez nous t'es un traître si tu restes neutre. Ton cœur un trésor, celui-là faut que tu l'ouvres, faut que tu lootes. Après ça glisse comme la peau d'une loutre. Pas besoin que t'apportes une loupe, les chiffres vont grossir. Et si tu veux voir les croix serrées d'une louve, importune nous. Faut pas que tu te loupes, sois carré. Un homme a que son cœur et son âme. Sous la menace, les fous deviennent raisonnables. J'suis dans le patio, j'm'impatiente. J'suis passé au sommet du rap, c'est pas si haut. Descendant de spartiate, tes rêves spatiaux. Impartial, à part si y'a une part sur un appart spacieux. J'suis dans ma chambre, passe la manette quand j'chante, pose la mallette. Jeux vidéo et débat. Vu comme des vauriens, on se défend comme des forains. Le système veut nous dévorer comme des forêts pour deux fois rien. Mon gros, c'est moi le bourreau, j'me torture. Combien de héros sous Malboro mourront, j'ai mal pour eux. Et le regard reste vide derrière les persoles. J'sais même pas si j'existe, tellement je rappe comme personne. Avant j'avais rien gagné, mais bon j'étais néanmoins. J'suis dans le néanmoins, mais néanmoins tu repars le néanmoins. Si tu touches un seul cheveu des nôtres, qui peut rapper mieux que ça? Je veux des noms. Affaires sensibles, la fiction. Je m'appelle Julien, 20 ans. que vous faites dans la vie? Rien. Je joue principalement. Ça doit faire maintenant 3-4 ans que je suis déscolarisé. Je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. On en a conclu avec le médecin que ça servait à rien de continuer. Voilà. Le jeu en ligne, c'est une manière de s'échapper de la vraie vie? Un petit peu, oui. Ça aide à oublier les problèmes de la vie. Ça change les idées. Est-ce que vous pensez être dépendant de cette activité? Non, pas particulièrement. Après, pour quelqu'un comme moi qui est très timide, je trouve personnellement que ça aide à la communication. Votre maman a dit oui de la tête? Moi, je trouve qu'il est dépendant, oui. Parce que c'est vrai que sans ces jeux, c'est quand même un peu dur, hein? Reconnais-le. Oui, il y a une dépendance. Mais après, comme beaucoup de gens qui ont une passion, ils en sont dépendants, quoi. Marianne, votre fils Julien a commencé les jeux vidéo en ligne à l'âge de 8 ans. Oui, mais c'était minime, c'était pas comme maintenant. Il était scolarisé, il avait des horaires pour aller coucher à partir de telle heure, donc le soir il n'y jouait pas. Et des jeux adaptés à son âge. On était vigilants là-dessus. À quel moment la pratique des jeux vidéo en ligne de Julien a changé? Quand elle a pu être à l'école. C'est là que ça a tout changé, c'est là qu'il a été couché tard, c'est là qu'il a vu complètement à l'envers par rapport... voilà. Si jouer en ligne, on aime bien, que ça nous rend pas mal derrière ou autre, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Marianne, Julien, il a une vie normale? Pour moi, non, parce que lui, il va coucher tard. Midi se lève, une heure, donc pour moi, non, c'est pas une vie normale. Il sort très peu, donc pour moi, oui, c'est quand même à l'envers par rapport à nous. Vous pouvez encore changer les choses? Ça serait difficile. France Inter... Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le voyage pour cyber ou l'emprise des jeux vidéo. Notre invitée, Elisabeth Rosset, psychologue et spécialiste en addictologie. Bonjour Elisabeth Rosset. Bonjour. Vous êtes psychologue, vous nous parlez depuis la ville de Toulouse, en duplex. Vous êtes spécialisée dans les addictions. Vous avez écouté cette archive que nous avons diffusée il y a quelques minutes. Donc, une maman et son fils addict aux jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la question du journaliste, le jeune homme répond, alors le journaliste lui dit « Que faites-vous dans la vie ?» Et il répond « Rien, je joue ». Ça, c'est quand même saisissant. Rien, je joue. Déjà, il a conscience qu'il ne fait rien parce qu'il joue trop. Donc, c'est peut-être déjà une avancée, cette conscience. Mais est-ce que c'est ce type de jeune personne, par exemple, que vous recevez, vous, tous les jours? Alors, tout à fait. C'est effectivement ce type de profil. Ce qui est intéressant, c'est que le jeune homme répond dans un premier temps rien, sans doute, pour les adultes. Ça n'est rien, effectivement. Le jeu en ligne... Pour les adultes, c'est une activité futile. Mais comme il le précise ensuite, je joue. C'est cette activité qu'il mène, lui, principalement dans sa journée. Je joue, donc je suis. Sans doute dans son cas, et il l'explique bien d'ailleurs. Hein, il dit, voilà, moi, ça, l'école provoquait des crises d'angoisse, j'étais trop mal à l'aise. Finalement, il a sans doute plus d'existence, d'ailleurs, sur les jeux en ligne qu'à l'extérieur. D'accord. Et donc, c'est vraiment le profil de gens que vous recevez? Tout à fait. Bien. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. C'est-à-dire des jeunes hommes, hein, très principalement, ce sont des jeunes hommes qui sont déscolarisés, puisque les jeux en ligne, dans leur usage très excessif, en fait, mènent souvent à la déscolarisation et à une incompréhension de l'entourage. Alors, puisque vous dites que ce sont souvent des jeunes hommes, il y a un profil sociologique, enfin, en tout cas en tranche d'âge, ce serait, je crois avoir vu, que ce serait essentiellement de jeunes garçons, plus des garçons que des filles. Vous confirmez? Tout à fait. Oui, tout à fait. Dans ma pratique clinique, que j'ai principalement exercée à l'hôpital Marmottan à Paris, j'ai reçu exclusivement des hommes. J'ai dû recevoir 3 filles en, on va dire, 15 années de rencontre. Est-ce que ça peut... Donc c'est principalement des hommes, parce que les jeux vidéo sont d'abord des objets culturels fabriqués par des hommes pour des hommes. Et que les enjeux dans les jeux vidéo sont principalement des enjeux masculins, c'est-à-dire d'affrontement, de stratégie, etc. Et d'ailleurs, je vois que dans le classement 2017 des 10 premiers jeux vendus en France, toutes plateformes confondues, on trouve en premier lieu, et ce n'est pas étonnant, le jeu FIFA 18. Alors, FIFA 18, vous pouvez être Ronaldo, vous pouvez être Messi, vous pouvez jouer contre les plus grands. Alors, c'est vrai que ça correspond, même si beaucoup de filles aiment le foot, et je ne veux pas globaliser, ça correspond beaucoup au goût des jeunes hommes, des ados. Se prendre pour Ronaldo, c'est presque naturel quand on est un homme. Voilà, ben voilà, c'est la première cible des jeux vidéo, c'est des hommes. Mais parce que, principalement, ce sont des objets culturels qui ont été développés au tout départ et qui continuent à être développés principalement par des hommes, pour des hommes. Alors, comment peut-on définir l'addiction? Je vais, rassurez-vous, préciser ma question. D'abord, est-ce qu'il y a des similitudes entre le fait d'être accro à la drogue, qui est un paradis artificiel, et accro aux jeux vidéo, qui est aussi un paradis artificiel? Alors, il y a des similitudes, mais il y a beaucoup de prudence à avoir quand on utilise la notion d'addiction, parce que ce terme-là est devenu galvaudé. C'est employé par tout le monde pour tout et n'importe quoi. C'est un peu comme résilience. C'est un mot voilà, très à la mode. C'est peut-être d'ailleurs l'autre facette, l'autre issue. Absolument. La résilience. Non, mais voilà, donc l'addiction aux jeux vidéo, ça a été longtemps une polémique et pour les cliniciens dont je fais partie, nous restons tout à fait prudents quant à l'existence véritable d'une addiction aux jeux vidéo, du moins dans nos pays. L'Observatoire mondial de la santé a l'année dernière reconnu l'existence d'un trouble addictif en lien avec les jeux en ligne, notamment parce qu'il y a certaines zones du monde, type les pays asiatiques, où il y a énormément de gens très engagés dans ces pratiques. En France, ces questions d'addiction aux jeux vidéo en ligne ne concernent qu'une très faible minorité. Voilà. Par contre, sans doute qu'il y a beaucoup de gens qui abusent. Oui, mais l'addiction, c'est le stade ultime dans le processus de dépendance. Et c'est le stade où, justement, le lien est devenu tyrannique. Dans l'abus, il y a déjà des conséquences négatives, mais on n'est pas encore à ce stade ultime. Alors, au bout de combien de temps, combien d'heures, est-ce qu'on peut poser la question comme ça, au bout de combien d'heures passées à jouer, peut-on parler ou non d'addiction? Est-ce qu'il y a une référence? Le temps n'est pas une valeur fiable dans ces questions de jeu en ligne, parce que on peut avoir des jours où justement on va passer énormément de temps sur les jeux vidéo sans que ça soit une préoccupation quotidienne, sans que ça empêche le sujet de s'adonner à d'autres activités, que ça soit sa scolarité, ses potes, le sport ou ses parents. Voilà. Il faut donc plus aller vers une définition qualitative que quantitative. Si la personne fait exclusivement, comme c'est la situation de Julien là dans l'extrait, ne se consacre exclusivement que aux jeux vidéo et qu'il n'y a plus aucune autre activité, notamment le fait de voir des amis du même âge, eh bien là il y a inquiétude. Là on peut commencer à se dire qu'on est peut-être engagé dans un processus addictif. Donc ça veut dire qu'on peut jouer aux jeux vidéo dès lors que c'est une activité parmi d'autres et parmi tant d'autres. Ça, il n'y a pas de problème. C'est quand ça devient prégnant et envahissant sur tous les autres secteurs de la vie, c'est ça? Absolument, c'est quand il y a une forme de saillance. Ça devient l'activité de jeu en ligne devient centrale et l'individu lui-même devient périphérique à sa propre existence. C'est ça. C'est l'activité de jeu en ligne qui va structurer le temps. D'ailleurs, la maman de Julien le dit, il joue la nuit et nous, il n'a pas le même rythme que nous, parce que c'est le jeu vidéo, l'activité sur le jeu vidéo qui structure la temporalité de Julien. Oui, elle dit, il vit à l'envers, tout est dit. Hein. Oui, alors ça, c'est un élément qu'on retrouve souvent dans l'ensemble des addictions, quel que soit l'objet, c'est-à-dire qu'il y a une inversion du biorhythme. Naturellement, on vit plus dans la journée quand il y a du soleil et on dort la nuit. Eh bien, très souvent, pour les personnes qui sont engagées dans des processus addictifs, quel que soit l'objet, eh bien, il y a une inversion et on aurait tendance à avoir vivre la nuit plutôt que le jour. Bien, alors, comme je le disais dans l'introduction, l'OMS a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. J'imagine que c'est important. On va en parler dans 3 minutes, Elisabeth Rosset, après avoir écouté un disque. What do you need from me? should I expect? Elisabeth Rosset, l'addiction aux jeux vidéo devient officiellement pour l'OMS une maladie. Qu'est-ce que ça change, cette reconnaissance ? Ça change principalement, il faut savoir que cette décision, elle vient après quand même une bonne quinzaine d'années de débats. Et ce que ça change, c'est que dans certains pays déjà, ces soins qui vont être prodigués à ces joueurs vont être pris en charge par un système de santé, ce qui est une donnée importante, même si elle l'est moins dans notre pays, puisqu'on a un autre système de santé beaucoup plus ouvert. Et ce que ça change aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes gens qui peuvent peut-être se reconnaître dans ce trouble, jeunes gens et moins jeunes gens, puisque dans les derniers temps de mon exercice, j'ai eu à rencontrer des joueurs qui avaient entre 30 et 40 ans et qui étaient bien embourbés dans cette problématique. On peut aussi espérer que cette reconnaissance puisse amener des financements pour des recherches approfondies sur ce sujet. Voilà ce qu'on peut espérer de cette reconnaissance. Alors comment on tombe dedans, si je puis dire ? Est-ce que on peut tomber dedans parce que on se dit tiens, je vais essayer un jeu vidéo, je me mets dans la peau des jeunes encore, hein, qui sont les plus touchés. Ou alors est-ce qu'on y va parce que ça va pas ? C'est quoi le processus finalement ? Alors d'abord, c'est bien ce terme-là, c'est un processus, c'est là aussi, c'est un peu comme tous les objets d'addiction. Au départ, on se lance pas dans un jeu vidéo pour y passer 12 heures par jour. Hein. Au départ, on se lance dans un jeu vidéo parce qu'il est attractif, parce que les copains y jouent, parce qu'on aime bien cette aventure, parce qu'on se croit bon. Ensuite, on se lance dans ce jeu et on ressent du plaisir hein, dans le jeu vidéo et on a la volonté d'y progresser. Or, dans les jeux vidéo, on progresse surtout par le temps investi, comme dans beaucoup d'autres activités, somme toute humaines. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, le joueur va y passer toujours plus de temps parce qu'il souhaite être plus performant. Si par ailleurs, effectivement, dans son existence, il rencontre des difficultés, comme par exemple Julien, qui visiblement est très angoissé par le contexte scolaire, ouais. Il va avoir tendance à préférer être dans ses mondes plutôt que de se rendre à l'école. Donc, petit à petit, il va investir plus de temps dans les mondes numériques que à l'école. Et petit à petit, d'ailleurs, la scolarité, la famille, les amis s'éloignent quelque part. Parce que si on n'entretient pas toutes ces relations, elles s'éteignent petit à petit. En fait, elle s'amuse. Donc, l'investissement est d'autant plus important dans le jeu que la personne se sent un peu isolée, les autres ne sont pas disponibles ou je ne les croise plus. Donc, je vais d'autant plus m'investir dans le jeu. Et puis, le jeu est source de reconnaissance. Hein. Oui, parce que c'est en réseau souvent. C'est en réseau. Donc, ils font partie de groupes. Donc, sortir d'un groupe, c'est peut-être plus difficile que de sortir de son emprisonnement particulier. Alors c'est même la raison souvent qui fait que les jeunes gens n'arrivent plus à se détacher de leur jeu. C'est parce qu'ils appartiennent à un groupe, que ce groupe participe de leur identité de manière tout à fait active et que renoncer à ces relations, c'est très difficile. Et risquer peut-être même un effondrement. Donc plutôt que de se retirer, eh bien, continuer à participer à ces jeux. Est-ce qu'on peut soigner, si j'ose dire, le mal par le mal? Est-ce qu'il existe une thérapie par le jeu vidéo qui, lui, ne serait pas que ludique, ce ne serait pas que le plaisir de se prendre pour Ronaldo, par exemple? Est-ce qu'il y a ce genre de thérapie? Pas à ma connaissance, le soin, plutôt, c'est déjà de faire sortir les gens de derrière l'écran. Hein. La difficulté avec les jeux vidéo, c'est pas les jeux en eux-mêmes, c'est bien sûr l'usage que la personne va en faire, et très généralement, en quelque sorte, un joueur excessif, il colle à l'écran, il colle à son personnage qu'il incarne généralement au sein du jeu, et il faut l'aider à se décoller, à prendre un peu l'écran. De distance de l'écran, de son personnage, de son jeu, pour à nouveau qu'il puisse développer d'autres types de relations qu'il avait auparavant, hein, qui existaient quelques années en arrière. Donc c'est quelque chose qu'il faut raviver, mais il faut s'éloigner de l'écran. Donc les faire venir dans des centres de soins, ce qui n'est pas évident du tout, et on a beaucoup besoin de l'appui de l'entourage, de la famille, bien sûr, pour les mobiliser très souvent. Eh bien, les faire venir dans les centres de soins, c'est déjà les décoller de leur écran, c'est leur donner l'occasion aussi de parler autrement de ces jeux vidéo, et ça aussi, ça participe beaucoup dans cette prise de distance nécessaire. Il faut apprendre à sortir de l'écran. Ouais. Vous êtes spécialisé dans les addictions, on l'a dit, donc pas seulement l'addiction aux jeux vidéo. Sur quelles autres addictions travaillez-vous? Les jeux de hasard et d'argent, et puis les autres drogues en général, hein, héroïne, cocaïne, cannabis, drogue de synthèse. Ah, vous avez bien dit les autres drogues, donc on est bien d'accord. Ah, vous l'avez dit. Non, je ne souhaiterais pas dire ça. Ah, voilà. On a affaire à des objets avant tout culturels, dont il faut surveiller absolument la qualité. Il y a énormément de gens qui jouent sans que ça pose aucun souci et qui font de cette activité une activité de loisir, ce qui est beaucoup moins le cas avec les substances comme les drogues. Hein. Généralement, à un moment donné, ça dérape du fait même des caractéristiques de ces objets et des prises de risques qui accompagnent. Ce sera le mot de la fin à Elisabeth Rosset. Merci infiniment pour les éclairages de spécialistes que vous nous avez donnés. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui le voyage pour cyber ou l'emprise des jeux vidéo. Une fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Andy Oro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Rémi Sistiaga et Paul Percheron.